So George thinks that it might be a good idea to buy a dictionary. Before we continue with what Hélène thinks about the idea, listen to some more words and phrases, beginning with beaucoup de, many, or a lot of. Listen and repeat. Beaucoup de. Here are three examples of that phrase in use. Oui, voici trois exemples. Écoutez et répétez. Un. Au buffet, il y a beaucoup de croissants. Deux. Dans la rue, il y a beaucoup de taxis. Trois. À la réception, il y a beaucoup de messages. In those examples, you heard beaucoup de preceded by il y a. But it doesn't have to be. And in the next dialogue, you'll hear the phrase preceded by vous connaissez. You know. Vous connaissez beaucoup de mots. You know many words. Listen and repeat. Vous connaissez beaucoup de mots. Now here are the rest of the new words and phrases. As usual, écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Nous commençons. Déjà. Already. Déjà. Possible. Possible. Possible. C'est vrai. That's true. C'est vrai. Un dictionnaire. A dictionary. Un dictionnaire. Nécessaire. Necessary. Nécessaire. Ce matin. This morning. Ce matin.